Chapitre 2. Ma rencontre avec le maître Omran Mikhailovanov. Finalement, nous voyageons et arrivons au bon fin. Le voyage a été très difficile parce qu'il nous a fallu acheter des billets bon marché, pas très confortables. Metz, Fréjus, c'est très long. Et en plus, je suis diabétique. Et à un moment, le train, j'ai oublié exactement pourquoi, le contrôleur a fermé des portes dans le train entre première et deuxième classe. Nos affaires étaient de l'autre côté. Je suppose qu'on est en train de bouger dans le train, une histoire comme ça. Et j'ai eu une hypoglycémie, j'avais besoin de sucre. Et le train, c'était la nuit, il n'y avait personne. Et mes affaires étaient de l'autre côté et j'ai failli mourir. Et c'était une expérience extrêmement violente. Extrêmement difficile, une des fois où je suis arrivé vraiment très très proche de la mort. Et puis après, le contrôleur est arrivé et il a dit « Pourquoi vous me dérangez? Pourquoi vous imposez ?» Alors je lui ai dit « Bon, on appelle les flics pour non-assistance à personne en danger. » Et là, il a quand même changé de ton parce qu'il a vu que... Donc, ça a été la guerre pour arriver. On arrive enfin au bon fin. Et la première chose, c'était une Allemande à la réception. J'ai oublié son nom maintenant. Peut-être que ça me reviendra. C'était il y a fort longtemps quand même. Et cette Allemande, elle a tiqué sur la carte. Forcément, c'est une fausse carte. Hein. Elle a tiqué sur la carte. Et elle a dû supposer quelque chose. Ou au moins sentir quelque chose. Donc elle a posé plein de questions et j'ai baratiné comme je pouvais. Je ne voulais qu'une seule chose, c'était arriver jusqu'au maître Omran Mikhailovanov. J'avais fait 1000 bornes à peu près. Ce n'était pas pour craquer sur les 50 derniers mètres. Finalement, on a pu rentrer, mais cette Allemande était vraiment très antipathique. Très, très allemande. Hein, par rapport au programme que j'expliquais dans le chapitre d'avant avec Mia, c'était vraiment l'Allemande. Dans toute la beauté allemande. Pas d'humanité, que des règles. Et finalement, j'arrive à m'installer, on plante la tente. C'est une petite canadienne, une toute petite tente. Et j'étais épuisé par le voyage avec cette histoire d'hypoglycémie, puis après le conflit avec cette Allemande. Puis ensuite simplement l'installation, puis monter la tente, enfin bon, trouver l'endroit, c'était assez mal organisé, bon, c'était un peu difficile. Et là arrive une autre sœur, je pense que son nom, si je me souviens bien, c'est toujours sœur Madeleine. Elle arrive avec son chien, un chien qui avait été protégé, je l'ai appris plus tard, par le maître Omran Mikhailovanov, donc sœur Madeleine, si je me souviens bien de son nom, avait adopté ce chien presque à la demande du maître Omran. Et c'était d'ailleurs le seul chien du bonfin. Il n'y avait aucun chien au bonfin à part ce chien-là. On va dire entre guillemets le chien d'Omran. En copropriété avec Madeleine. Et elle vient, et sœur Madeleine, c'était aussi, je suppose qu'elle est décédée depuis le temps, c'était vraiment aussi... un monstre, quoi. Je veux dire, elle était impitoyable. Et étrangement, plus tard, elle est devenue une bonne amie. Mais quand je suis arrivé là, elle a vu que j'étais malade. Donc, en fait, on a monté la tente. Puis après, je me suis allongé. J'avais pratiquement pas dormi de la nuit, plus l'hypo. J'ai dit, bon, je me repose une heure ou deux. On avait encore un petit peu de temps avant le repas. Où c'est là, on rencontrait le maître Omran, etc. Et elle arrive, elle dit « Vous ne pouvez pas rester ». Elle me réveille, elle me dit « Vous ne pouvez pas rester ». Je dis « Quoi? Comment ?»« Attendez, là, je suis en train de dormir, quoi ?» Elle me dit « Oui, vous savez, ici, les vibrations sont très fortes, c'est très intense au niveau énergie cosmique, blablabla. Et là, je vois que vous êtes malade, vous êtes très fatigué, vous êtes très pâle, vous êtes assez maigre. Non, vous ne pouvez pas rester, c'est mieux que vous repartiez. » Alors je lui ai dit, aimez-vous les uns les autres, venez à moi les petits-enfants, mais les diabétiques, allez crever dehors, quoi. Elle me dit, non, mais vous supporterez pas les vibrations, il faut mieux que vous partiez, etc. Alors je lui ai dit, vous rigolez, non? Je viens de payer, je viens de faire 1000 bornes, je viens de payer pour 4 jours, je reste 4 jours. Elle me dit, non, vous ne pouvez pas rester, je ne vous autorise pas. Je lui ai dit, mais je n'ai rien à battre que vous m'autorisiez ou pas, vous êtes maître en bras. Elle me dit, non, mais je parle en son autorité, donc vous ne pouvez pas rester. Alors je lui ai dit, mais je refuse. Alors elle me dit, moi j'appelle des frères. Je lui ai dit, bah, appelez des frères, mais appelez-en beaucoup, parce que je suis un expert d'arts martiaux. Au moins une vingtaine, si vous voulez avoir une petite chance, sinon c'est hors de question. Alors elle est partie, folle de rage, parce que là c'était carrément le conflit, quoi. Et puis personne n'est revenu, simplement parce que le temps qu'on s'engueule et ainsi de suite, bah, c'était l'heure du repas. Donc on va au repas. Et là, déception, le maître Amram n'est pas là. En fait, on me disait que j'étais arrivé le même jour que lui, mais lui, bon, il vient d'arriver, il est fatigué, donc lui il se repose. Il est beaucoup plus âgé, il a 83, 84 ans, c'est normal. Il n'y a pas de problème là-dessus. Hein. Donc c'est un truc enregistré. Donc je suis un petit peu déçu, mais bon, c'est pas grave. Et le truc enregistré, c'est le maître Amram, évidemment, qui fait une conférence, et qui est fou de rage dans sa conférence. Et qui dit, il y a des gens qui arrivent à moi. Ils sont parfois passés par les cheminées les plus noires. Et leur apparence peut être trompeuse. Mais personne, vous entendez, personne ne se mettra en travers du chemin entre un disciple et moi. Personne n'a le droit d'interférer sur la venue des gens qui viennent auprès de moi. Il était fou de rage sur un enregistrement d'une histoire autre qui s'est passée avant, que je ne connais pas. Et étrangement, Sœur Madeleine n'est pas revenue l'après-midi avec les frères. On m'a laissé tranquille. Donc, avant que je rencontre le maître Amram, dans un champ vibratoire, comme il disait si bien, eh bien, le maître Amram m'a protégé. Ou m'a simplement accueilli à bras ouverts. L'après-midi, parce que je suis très moqueur et très analytique, j'observe tout, on est parti se promener avec ma copine et notre bébé, dans le Bonfin un peu partout. Et il faut savoir que pour dormir, on laissait de la place à notre enfant. Il en prenait beaucoup. Donc en fait, quand on dormait dans la Canadienne, on était obligé de laisser la fermeture ouverte. Et on avait jusqu'au genou à peu près dehors. Bon, au Bonfin, il ne pleut pas beaucoup, il ne fait pas froid. Donc voilà, on se débrouillait comme ça. Ceci étant, on s'est promené aussi dans le Bonfin. Et il y avait là des mobilhomes. Avec je sais pas comment dire en français, un paravent par devant fabriqué en bois qui doublait le volume du mobilhome pour une personne. Alors j'étais là avec ma compagne et je disais, bah, tu vois, on est arrivé au paradis. Alors là, il y a le paradis des riches et puis de l'autre côté, pour nous, il y a le paradis des pauvres, mais on est quand même au paradis. Donc c'est vrai que dans l'observation des choses, j'ai tout de suite vu des gens très fanatiques. J'ai vu des gens très obsédés, très limités, et quand même un Bonfin qui ne me plaisait guère par rapport à l'attitude humaine, par rapport à tout ce que je pouvais découvrir. Parce que je ne suis pas un idiot, quoi. Il y a les écrits qui sont fantastiques, il y avait des exemples qui me plaisaient beaucoup dans ces livres, des exercices qui fonctionnaient pas mal, qui aidaient à intensifier la concentration et autres. Mais en même temps, ça ne m'empêche pas d'analyser un petit peu tout ce qui est autour de moi. Donc, à la fin de la première journée, je suis loin d'être persuadé, mais vraiment très loin d'être persuadé, parce que, franchement, j'ai des doutes. La seule chose positive qui m'arrive dans cette journée, c'est un monsieur qui arrive, qui est un frère, et lui qui est vraiment un frère, Yannick Percherencier. Yannick Percherencier était un ami, un disciple, mais aussi un ami très proche du maître Amram. Il vivait dans sa maison très souvent, il voyageait avec lui très souvent, donc il le connaissait d'une façon très très privée, très personnelle. Et Yannick arrive et me dit, j'ai entendu dire que tu étais malade. Donc sur le coup, j'ai dit, ah oui, il y a un problème. Elle me dit, non, absolument pas. En fait, je travaille avec du coton magnétisé. Alors, je dis, qu'est-ce que c'est encore que cette... Enfin, je pensais que clowner, mais je ne lui ai pas dit. Elle me dit, ben voilà, c'est du coton, tu le mets sur ton ventre et ça va beaucoup t'aider par rapport au diabète. Alors je dis, ouais, hein, d'accord. Alors il m'explique, voilà, j'ai rien à payer, c'est du coton, je le mets sur moi avec une borne pour bloquer ça sur le ventre et je dors toute la nuit avec le coton. Et en parlant avec lui, il m'explique aussi qu'on peut écrire des lettres au maître Amram, et si je suis là que 4 jours, je devrais tout de suite écrire une lettre pour lui demander ce que je veux, et peut-être que j'arriverai à le rencontrer dans les 4 jours d'une façon privée, puisque au bon fin, il parlait en conférence, il y avait une immense salle qui pouvait contenir jusqu'à 1000 personnes, 800 000 personnes, et lui, il y avait une table surélevé, et donc il faisait la conférence, mais on était là, on le voyait quand il était là, mais c'était pas du tout dans le compte privé. Donc je lui dis, ah oui, ça c'est une très bonne idée. Et une fois qu'il m'a donné ça, il était super gentil ce monsieur. Donc lui c'était très positif, bienvenue, lui il m'embrasse vraiment, enfin, un type très grand, très, très tonique, très puissant, un ancien montagnard professionnel, enfin, et vraiment amoureux du maître Amram. Et lui, c'est vraiment quelqu'un que j'aurais déjà pris en tant que maître. Là, je parle de Yannick Percherencier. Non, quand Yannick Percherencier qui a une attitude de maître, vraiment d'être supérieur, qui parle avec admiration du maître Amram, je dis là, je suis curieux de rencontrer le maître Amram. Donc encore une fois, vous voyez, j'ai rencontré les deux extrêmes, les fanatiques, les débiles, il n'y a pas d'autre terme, et puis des gens comme Yannick, par exemple. Et donc, je décide d'écrire la lettre. Donc, je m'installe quelque part et j'écris la lettre. Et là, je rencontre Christelle, la sœur de Metz, qui est aussi au bon fin. Et elle voit un petit peu la lettre, je lui explique ce que je suis en train de faire. Et en fait, dans la lettre, j'explique au maître Amram, moi, je lui dis, je suis plus oriental, je suis plus japonais, qu'européen. J'ai étudié avec les Chinois, j'ai étudié avec les Japonais, je pratique à la japonaise, à la chinoise, et moi je suis plus oriental que français ou anglais. Et je veux savoir si j'ai raison, si je dois continuer dans ce chemin, ou si le fait d'être ainsi est une erreur. Parce qu'en fait, en ce temps-là, j'étais bien conscient du protocole français et j'avais l'impression à tort que de m'attacher à un autre protocole, protocole japonais ou chinois, me rendrait plus libre. Ce qui s'est révélé être une erreur. Mais à la limite, au moins j'avais l'impression d'être plus libre puisque je ne suivais pas la horde des Français. En fait, je suivais la horde des Japonais et des Chinois. Le résultat final était le même, mais j'avais l'impression que c'était mieux. Et donc, c'est tout ce que j'ai exposé, mais j'ai vraiment posé la question, oui ou non, est-ce que je dois faire ça, ça? Et sœur Christelle, qui était là, elle me dit, oh, mais on ne parle pas au maître Amram comme ça. Tu ne peux pas faire cette lettre-là. Il faut le laisser parler, il ne faut pas lui poser des questions. Je lui dis, mais attendez, je vais le rencontrer une seule fois. Si c'est un maître et qu'il n'est pas capable d'affronter des questions qui ne sont pas incorrectes, qui sont claires, qui vont droit au but, il y a un problème, quoi. À dire, non, il ne faut pas faire ça. Je dis, je m'en fiche, je fais ça. Oui, c'est embêtant. Et je fais ma lettre, que je ferme, et que je prépare pour le lendemain. Il y avait une boîte aux lettres, qui était dans la grande salle de conférence, dans laquelle je ne pouvais pas aller, parce que c'était le soir quand j'avais fait ça, il n'y avait plus de repas, donc la salle était fermée. Ils nettoyaient après, donc j'ai dit, ben, je la mettrai demain. Et le soir, je me couche, et comme je suis toujours ouvert à toute expérience, je mets ces fameux cotons avec les bandes. Je fais ce que Yannick m'a proposé, parce qu'il était vraiment gentil, il demande pas d'argent, il n'y a pas de système de pouvoir avec lui, ni rien, donc pourquoi ne ferais-je pas cela? Donc je le fais. Et je me couche. Je précise qu'il faisait frais, hein, parce que même si c'est frais juste, après la nuit, la tente ouverte, puisqu'on a les jambes dehors, il fait froid. Il faisait frais en tout cas. Et dans la nuit, je me suis réveillé au milieu de la nuit, vers les 3-4 heures du matin, et j'ai été obligé de bondir hors de la tente et d'enlever les cotons parce que ça me brûlait. Mais pas, c'était pas chaud, ça me brûlait, j'ai dû les enlever à toute vitesse tellement ça faisait mal, ça brûlait. Et je me dis, qu'est-ce que c'est que cette plaisanterie, quoi? Peut-être il y avait un produit dessus. Il m'a pas dit. Il y a en fait un produit et c'est pour ça. Enfin, j'ai commencé à douter de ce que je rencontrais. Qu'est-ce que c'est que cette plaisanterie-là? Donc, je les ai mis de côté, l'ensemble. Et je me suis préparé. J'avais encore une roue à dormir pour aller au lever de soleil. Le lever de soleil, c'est donc le Surya Yoga, c'est un exercice de méditation des pranayama qui était appliqué tous les matins au rocher. Le rocher étant une petite montagne, une petite colline qui se trouvait juste à côté du Bonfin dans la propriété du Capitou. Mais on avait le droit d'y aller. Ils avaient avec la mairie de Fréjus, le Bonfin a un contrat de 100 ans. Qui doit arriver à la fin maintenant, je suppose, en 2017. Attendez, il est arrivé en France en... Ah non, non, non, non, ça doit être loin d'être fini. Ça a dû être fait aux environs 1950, donc ça doit aller jusqu'en 2050. Ça va, ils ont encore de la marge. Et le matin, je vais donc au rocher, et j'avais parlé avec Christelle, qui m'avait dit, voilà, le maître Omram s'assied toujours là, donc je vous conseille de vous asseoir juste ici, comme ça vous serez très proche de lui, vous pourrez vraiment le voir. Et je m'installe pour le lever de soleil. Et effectivement, à un moment, le maître Omram arrive, il me présente son dos, ce qui est normal, puisque nous regardons tous le lever de soleil dans la même direction. Et nous restons à méditer. Pour moi, exercice facile. La méditation, ça fait partie de ma vie, ça fait partie du monastère où j'ai vécu, enfin. Et je regardais beaucoup de gens qui me choquaient énormément parce que j'ai appris une méditation droite, impeccable, parfaite, sans bouger. Et il y avait des gens qui étaient là, affalés, couchés, posés n'importe comment. Des gens qui arrivaient avec des chaises longues. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que cette plaisanterie? Enfin, ce que j'avais constaté en arrivant. Après, j'étais dans ma méditation. Moi, c'est une méditation, à la chinoise, à la japonaise. On rigole pas. Et au bout d'un moment, le maître Omram se retourne. Le soleil était sorti. Et lorsque je vois le maître Omram pour la première fois, qui me regardait presque les yeux dans les yeux, il était à, je sais pas, à 3 mètres de moi environ, quoi. Donc c'était déjà une approche intéressante. J'arrivais pas à le voir. Je l'apercevais simplement. Pourquoi? Parce que, en ce temps-là, le soleil apparaissait juste sur sa gauche. Enfin, je veux dire, moi, je le regardais, il était en face de moi, et à ma gauche, à moi, donc à sa droite, à lui, il y avait le soleil qui était en train de se lever, qui commençait à briller, mais qui était encore très bas. Et le maître Omram avait une canne, avec un cristal au bout de la canne. Et la canne, il l'enfilait dans des anneaux, qui étaient là où il s'asseyait. Et lorsqu'il s'est tourné vers moi, donc, sa canne était à sa gauche. La canne était à droite quand il regardait le soleil, mais après, quand il s'est tourné, la canne était à sa gauche, donc à ma droite. J'espère que vous suivez. J'ai donc, en regardant Maître Omram, sa canne, le regardant lui à ma droite, et donc à sa gauche, et le soleil à ma gauche, et donc à sa droite. Et un reflet de lumière arrive dans la canne et arrive dans mes yeux. Dans le cristal. Donc j'ai d'un côté le cristal qui brille très fort dans mes yeux, de l'autre côté le soleil. Donc la première fois que j'ai vu Maître Omram, j'ai vu un halo de lumière. Effets spéciaux organisés par je ne sais pas trop qui, mais comme dans La Guerre des Étoiles. Mais je suis là et je le regarde et le spectacle est fantastique. Je vois sa forme, j'aperçois un peu son visage, mais mes yeux pleurent devant lui parce que j'essaie de le regarder et il est baigné dans un halo de lumière fantastique, fabuleux. Première expérience intéressante. Encore une fois, ce n'est pas un signe, ça ne veut pas dire que c'est la réincarnation de Jésus-Christ ou de Bouddha, mais quand même, le hasard fait bien les choses. Parce que calculer tout cela pour un effet spécial juste comme ça, il y a des chances sur des milliers ou des millions, hein, qu'il se retourne juste à ce moment-là, que j'ai juste la position de l'angle comme ça. Et après, il est temps de partir du rocher, et Christelle, sœur Christelle, m'avait dit, voilà, tu prends, il y a la cérémonie des bonbons. À la cérémonie des bonbons, c'est que lorsque le maître Omram descendait du rocher, on se mettait en ligne avec les enfants, enfin c'était pour les enfants, et les enfants, le maître moi, mon descendant, donnait des bonbons aux enfants. Donc je suis avec ma copine, avec le bébé dans les bras, moi j'ai le bébé dans les bras, et on attend parmi d'autres adultes avec les enfants ou des enfants seuls. Et le maître Amram distribue des bonbons. Donc, il y avait toujours des adultes avec les enfants, si je me souviens bien. Et le maître Amram distribue comme ça. Et à un moment, il me voit alors qu'il y a encore 3-4 personnes. Et moi, à ce moment-là, j'ai pensé, il a vu mon enfant. Parce qu'un papa pense toujours que son enfant est merveilleux. Donc pour moi, il a vu mon enfant. Et il me voit de loin, enfin non, il voit mon bébé de loin, et il saute les gens, il oublie les gens. Il arrive directement en face de moi, il me regarde moi, droit dans les yeux. Et il se met à parler, mais sans parler, parce qu'au lever de soleil, c'est le silence total, il n'y a pas de parole. Alors il est en face de moi, et il fait comme s'il parlait, ah bah, bah, bah. Il bouge ses bras, il me fait un grand discours, mais sans un son. Moi, je le regarde, je dis, oui, bon, eh ben, et à part ça, Pâques, c'était bien. Noël, ça s'est bien passé, oui. Enfin bon, je le regardais, j'étais un peu désarmé, quoi. C'était une attitude un peu inattendue. Mais il était plein de joie, comme très excité, comme s'il parlait à un vieil ami, comme si, oh là là, comment ça fait depuis la dernière fois, c'est fantastique, il faut que je te raconte tout ce que j'ai fait. Et il reste devant moi, comme ça, 2 minutes à parler, comme ça. Puis après, il essaye de donner un bonbon à notre bébé, qui avait à peu près 6 mois, à ce moment-là. Et évidemment, le bébé, Michael, oui, désolé, il s'appelle Michael, Mikyu, enfin, on le surnomme toujours Mikyu, il n'est pas intéressé par le bonbon, quoi, forcément, à 6 mois. Donc il essaie de lui donner, puis au bout d'un moment, je lui dis, non, mais maître, il est trop jeune, il ne peut pas prendre le bébé. Et là, le maître me regarde avec un regard de mitraillette. Il dit, oh, mon Dieu, ok, bon. Là, il a vraiment eu le regard du prof ultra sévère. La ramène pas, toi. Il dit, d'accord, ok. Et donc après, j'ai glissé mon doigt sous la main de Mikyu, et puis j'ai attrapé le bonbon avec lui. Et puis le maître Amram, après, il a regardé encore, et hop, il est parti. Et il y avait encore toute une ligne avec une dizaine de personnes, et il est parti, il a oublié tout le monde, presque en marchant comme un peu le Père Noël, je le voyais toujours marcher comme le Père Noël, il est parti comme ça, très heureux. Ok, bon, moi je ne savais pas, c'est peut-être son habitude, c'est la première fois, hein, je ne suis pas au courant. Et voilà, et après je prends le bonbon, je l'ouvre et je commence à le manger, enfin j'enlève le papier, et puis voilà, je commence à le manger. Et là, il y a des gens qui viennent me voir, très mécontents. Ça y est, ça recommence. Et les gens argumentent avec moi en disant, c'est à cause de vous, vous rendez compte, normalement il donne à tout le monde, il nous a complètement ignorés, etc., etc. Et vous vous rendez compte, ce que vous avez provoqué, je ne sais pas ce que c'est que ça, mais et tout le monde était contre moi, parce que le maître Amram s'était comporté différemment, et que ça avait... Ils auraient pu être là et dire, bah, c'est un maître, hein, il a peut-être ses raisons, pour une fois il a fait comme ça. Non, ils étaient en colère contre moi, parce que c'est moi qui avais provoqué les mauvaises attitudes du maître Amram, parce qu'il est bien entendu qu'il pouvait juger les bonnes et les mauvaises attitudes du maître Amram. Et en même temps qu'il m'engueule et qu'il parle avec moi, je mange le bonbon, quoi, devant eux, hop, je prends... Mais vous faites quoi, là? Je dis, bah, je mange le bonbon, c'est maître Amram qui a donné un bonbon. Je dis, mais vous êtes fous, les bonbons, il les magnétise, il les prépare, et ainsi de suite, ça se garde. Je dis, bah, alors justement, c'est pour ça qu'il faut le manger. Mais non, mais pas du tout. Les gens, ils les gardent 20 ans. Je dis, mais au bout de 20 ans, c'est complètement... Pourquoi vous faites ça? Je dis, il faut le manger. Vous êtes complètement irrespectueux, irresponsable. Et en moi-même, je me disais, vous savez quoi, vous commencez vraiment tous à me gaver, mais très grave. Très, très grave. Vous êtes vraiment des petits merdeux. Mais je l'aurais pas dit, parce que je venais pas en tant que prof, hein, je venais en tant qu'observateur. Donc, je voulais observer les choses, et bon, ce que j'observais avec le maître Amram m'avait surpris, désarmé. Le spectacle son et lumière que j'ai eu avant était fantastique. Donc j'étais un peu impressionné, parce que je crois aux signes du cosmos comme ça. L'attitude d'Amram qui me parle en silence, qui me fait des grands sourires, et puis après un grand speech, ainsi de suite, et qui n'apprécie pas du tout quand je dis un seul mot. Enfin bon, tout ça, c'était un peu spécial, ni bon ni mauvais, j'étais un peu désarmé, quoi. Et puis après, l'agression de tout le monde, écoutez, lâchez-moi un peu. Hein. Au bout d'un moment, j'aurais juste dit, écoutez, hein, ouais. Allez donc voir plus loin si j'y suis. Hein. Et donc, j'ai un peu envoyé bouler, en me forçant d'être pas trop impoli, parce que j'ai un caractère où si on me cherche, on peut me trouver. Je peux être très gentil, mais je peux être aussi très tonique. Et voilà. Puis, on repart dans notre petit camping, dans notre petite part du camping, où personne ne propose pour un petit déjeuner, personne ne propose pour quoi que ce soit. Il n'y a aucune gentillesse, aucune fraternité. Hein. La fraternité des Blanches universelle. Hein. Blanche, je ne sais pas trop, universelle encore moins, mais fraternité absolument pas. Hein. C'était... C'est absolument pas, c'est complètement égoïste, c'est complètement fermé, personne ne, en tout cas nous, personne ne nous rendait service, et en plus, depuis le début, à part Yannick Percherencier, on était les méchants, on dérangeait, on était malades, enfin on avait tous les défauts de l'univers, quoi. Alors, là au moins c'est universel, Fraternité Blanche, universel, il y avait au moins ça, on avait tous les défauts de l'univers, donc on avait une petite partie universelle. Et puis, on arrive au repas de midi. Donc au repas de midi, là, cette fois-ci, la grande salle est ouverte, je rentre et je mets ma fameuse lettre dans la boîte aux lettres qui est à un poteau, à un petit poteau qui doit faire, je sais pas, enfin un poteau, si on imagine un truc, parce que vous comprendrez plus tard, je pourrais parler d'un truc potentiel, il n'y aurait pas une personne qui pourrait se cacher à l'intérieur du poteau. C'était un poteau qui fait la moitié de la taille des épaules d'un être humain, quoi, qui va jusqu'au plafond. Et donc je mets cette lettre dans une boîte aux lettres en fer qui est accrochée au poteau, qui est un poteau en béton, donc il n'y a pas de communication, il n'y a rien, quoi. Je veux dire, je vois la lettre tomber dans la boîte en fer, comme une boîte aux lettres tout à fait classique, et je pars m'asseoir. Et là, pour la première fois, pour moi en tout cas, le maître Ambrin rentre dans la salle, et après des chants, ainsi de suite, qui sont dans la tradition de la Fraternité Blanche universelle, il va commencer sa conférence. Et dans sa conférence, il répond, point par point, à ma lettre. Mais pas un petit peu, je veux dire, c'était une lettre très spécifique, avec des questions très carrées, et il va répondre point par point à chaque élément de ma lettre, dans l'ordre correct. Et à un moment, j'étais presque paniqué, parce que je regardais la boîte aux lettres, il me semblait que j'apercevais encore le papier de ma lettre, mais bon, j'étais assez loin, donc j'étais pas sûr. Plusieurs fois pendant la conférence, j'ai dit, qu'est-ce que c'est que cette... Comment il a pu avoir ma lettre? J'ai posé ma lettre dans la boîte aux lettres, il est rentré quelques secondes après. Comment est-ce qu'il a pu avoir ma lettre? Donc j'étais un peu effrayé, quoi. Et en même temps, connaissant certaines choses que j'ai vues dans d'autres monastères, je dis, bon, ben, c'est un médium, c'est un super ultra médium. Il n'a même pas besoin d'avoir la lettre pour connaître le contenu et me répondre point par point à ma lettre. Et cette pensée-là, quelque part, m'a calmé. J'ai dit, ok, j'ai trouvé quelque chose de logique. Donc j'étais épaté. Il a répondu à ma lettre point par point, c'est-à-dire en expliquant que de se cacher derrière un protocole japonais ou chinois ne changeait rien au fait qu'on suivait une horde et que l'on devait être libre, qui était vraiment l'idée qui m'avait fait accrocher avec le maître Ambrin dans son premier livre, que nous devons être libres et que lorsque nous croyons, il ne faut pas confondre être différent et être libre, parce qu'un Espagnol au Danemark est différent, mais il est simplement espagnol, hein. Et il n'est pas libre, il est simplement espagnol, il est différent puisqu'il est au Danemark. Et il disait qu'il fallait trouver son chemin, son inspiration, son âme, son contact direct avec la source du bien, la source de la lumière, Zun Mezum, Zun Mezum. C'est quelque chose qu'on verra plus tard qui se pratique dans la panorhythmie. Zun Mezum. Et il explique vraiment un chemin de liberté, donc le contraire de tout ce que j'ai pu voir avec des espèces de fanatiques qui sont autour de moi, dans le bon sens. Les gens qui ont du fric, les gens qui ont le pouvoir, les gens qui me disent de partir, les gens qui me disent que c'est pas bien, les gens... Mais je me suis calmé. Il répondait à mes questions, j'appréciais la qualité de ses questions, le chemin de liberté qu'il enseignait, le contraire donc de ce que je voyais autour de moi, mais le scénario d'être super médium m'a calmé. Et à la fin de sa conférence, il se lève et se tourne franchement vers moi. Et d'un air sévère, comme le matin, il dit « Maintenant !» Et il tape sur sa poche droite. « J'ai une lettre ici. J'ai une lettre. Vous allez voir cette lettre !» Et là, je peux vous jurer que j'étais tellement terrorisé, il n'y a pas d'autre mot, terrorisé, parce que c'était absolument impossible. Je suis ouvert vers la spiritualité, mais là, il y a une limite. C'était absolument impossible. Je vous jure que si j'avais pu, je serais parti en courant. J'ai failli le faire. Mais il y avait des gens de tous les côtés, les gens se demandaient qu'est-ce que je faisais, enfin... Mais j'étais à deux doigts de le faire. J'étais littéralement paniqué. C'était impossible. Et... Il a continué à taper sur sa lettre. Il a dit, j'ai une lettre! Vous allez voir cette lettre! Et il s'est rassis. Il a sorti la lettre en me regardant. Puis il avait un grand sourire. Il a dit, c'est la lettre d'une sœur qui me parle des montagnes dans une poésie merveilleuse. Et il a lu une autre lettre. Et là, je coulais. Voyez-vous, je coulais sur la chaise, sur l'assiette. J'étais en état liquide. C'était ouf, ouf, ouf, ouf, ouf. Et puis, voilà, on sort de la conférence, moi tant bien que mal, parce que là je suis un peu secoué quand même. Je rencontre Christelle, qui me dit, tu as vu, frère Iggy, tu as vu, le maître t'a répondu à chaque point de ta lettre. Hein, parce qu'elle, elle a vu la lettre en plus. Je dis, oui, j'ai remarqué, oui. Elle me dit, tu lui avais envoyé, je dis, plus ou moins, enfin, laissons tomber. Et plus tard, je rencontre Yannick. Quand je suis à la tente, Yannick arrive, me dit « Alors, est-ce que tu as fait le coton ?» etc. Et je lui raconte tout, le lever de soleil, je lui raconte le truc hallucinant avec Maître Amram qui a ma lettre, mais qui l'a pas, enfin, tout ce qu'il a fait, etc. Et Yannick me sourit et me dit « Ben, c'est le premier contact. » Il a dit qu'il te reconnaissait et il a dit aussi que c'est lui le maître et que tu vas suivre en tant que disciple. Et j'ai dit, oui, je crois que là, les choses sont clairement dessinées. Et plus tard, dans les jours qui ont suivi, Yannick m'a dit, ah, le maître Amram voudrait te voir. Donc il est venu me voir, il m'a dit, voilà. Il n'a pas parlé de la lettre, il voulait juste me voir. Et là, j'ai rencontré le maître Amram en privé pour la première fois dans son petit jardin. Il y avait des espèces de plastique ondulé orange, je crois me souvenir. C'est une espèce, son petit bureau officiel en extérieur dans le jardin. Et il m'a parlé pendant 20 minutes, ce qui était le temps normal. Il prenait des gens pendant 20 minutes à chaque fois. Donc il m'a parlé environ pendant 20 minutes. Et il m'a demandé si ça me plaisait. Mais alors, est-ce que ça vous plaît, le bon fin ? Je dis oui, il y a des choses qui me plaisent beaucoup, d'autres moins. Ah oui, je comprends. Il n'a pas du tout argumenté sur le fait que je dise qu'il y avait des choses que je n'aimais pas. Il n'a pas posé de questions. Et il m'a dit, alors vous allez rester combien de temps ? Alors j'ai dit, 4 jours, je ne peux pas. Je veux partir demain ou après-demain, je ne sais plus quoi. Parce que je n'ai pas beaucoup d'argent. Il m'a dit, non, ici vous êtes chez vous. Vous m'entendez ? Vous êtes chez vous. Vous restez le temps que vous voulez. Vous avez payé pour 4 jours, mais je vous invite personnellement avec votre famille. Vous restez le temps que vous voulez. Vous êtes le bienvenu. Vous êtes chez vous ici. Vous avez le temps. Vous posez des questions. Vous apprenez. C'est une école ici. C'est une école initiatique. Vous apprenez. Vous restez. Vous êtes chez vous. Vous entendez ? Vous êtes chez vous. Et en gros, c'était le thème de la rencontre. Plus tard, évidemment... cette Allemande de la réception, dont j'ai oublié le nom, était très mécontente parce qu'elle disait « Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Vous ne vous payez pas, mais ça ne se fait pas. » Ben écoutez, c'est Maître Amram lui-même qui a dit Ah ouais, mais c'est pas normal, je vais lui parler. Je vais parler lui si vous voulez, moi je. Et du coup, je suis resté environ un mois. Au bout d'un moment, nous étions obligés de partir parce que même si on était invité là, il y avait d'autres dettes qui se cumulaient pour le loyer, il fallait être là pour réapparaître un peu dans la maison qu'on avait pris il y a peu de temps et il fallait assumer plein de choses. Donc je suis resté le maximum de temps que je pouvais dans une limite raisonnable de société, quoi, pour pas avoir trop de problèmes. J'en ai eu, mais pas trop. Et pendant ce mois, j'ai découvert la gymnastique qui se pratiquait tous les jours à midi. J'ai découvert la panorythmie qui se pratiquait tous les dimanches. Et d'abord, j'ai été très surpris sur la panorythmie parce que au monastère Shaolin, c'est un travail particulier qui s'accomplit. On m'avait demandé. Et pas qu'à moi, hein, aux autres aussi, hein, de créer un qigong particulier, une combinaison particulière d'énergie, en s'inspirant des mouvements qu'on pratique dans l'école Shaolin ou en prenant d'autres mouvements si on sent l'inspiration. C'est donc un travail de création et d'inspiration. Et j'ai créé un exercice que j'ai appelé les 12 perles. Et il y a beaucoup de mouvements que j'ai transformés de ce que l'on fait traditionnellement dans l'école Shaolin. J'ai dit, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire comme ça. Je sens plus l'énergie comme ça. Donc j'ai travaillé avec mon prof, qui était aussi un Mike. Décidément, il n'y a que des Mike sur Terre. Et voilà, quoi. La combinaison a été créée. Et elle a même été adoptée dans l'école Shaolin, comme étant une très bonne combinaison, très puissante, et ainsi de suite. Et quand j'ai étudié la panorythmie, quelle ne fut ma surprise de découvrir que la plupart des mouvements que j'avais pris dans les 12 perles divines, dans la combinaison que j'avais inventée, on les retrouvait dans la panorythmie. Et je me suis dit, ok, logique, puisque ce sont des exercices énergétiques particuliers, même si on ne se connaît pas, il y a le maître Peter de Nove il y a 100 ans. Et moi, avec la connaissance Shaolin, ben on arrive à des résultats identiques. C'est finalement réconfortant. On travaille le même travail d'énergie, on arrive vers des résultats qui sont assez identiques. Donc ça m'a même réconforté, rassuré sur la combinaison qui était la mienne, les 12 perles divines. Et j'ai été très choqué négativement de la qualité de la gymnastique et de la panorythmie, parce que les gens étaient lamentables, lamentables physiquement. En fait, dans l'école de Maître Omram, malheureusement, Maître Omram n'était pas très physique. Et j'ai pu découvrir par la suite, par exemple, parce que j'ai travaillé à la gymnastique du Maître Peter de Nove, que la gymnastique du Maître Omram était très largement transformée par rapport à la gymnastique du maître Peter de Nove. Maître Peter de Nove était très strict dans les mouvements, très clair, très précis. Le maître Omram, pas du tout. Donc le chant, la voix, était quelque chose d'extrêmement important, au bon fin, extrêmement important. Par contre, le corps n'était rien. Oh, le corps, c'est un détail. Je dis, bah non, c'est pas un détail, je vis avec. Il va falloir que je fasse avec aussi. Non. Par contre, la voix, c'était tout. La musique, c'était tout. Et moi, j'étais ni musicien, et je ne savais pas chanter. Je précise que quand je suis arrivé, j'ai découvert qu'il y avait une chorale à un moment. J'ai dit, ah, vous chantez. Alors moi, physiquement, j'étais un surhomme. Yoga, arts martiaux, entraînement parfait, enfin bon. Mais le chant, ça, je ne m'y attendais pas. Alors, j'ai dit, ah, vous chantez. Oui, bien sûr, ça fait partie de la pratique. Ah, le chant, c'est partie de la pratique. Ah, oui, super cool. Et elle me dit, vous voyez, par exemple, là, c'est un chant avec quatre voix. Je dis, ben non, moi j'entends qu'une seule musique. Et je ne mentais pas. Je n'avais aucune formation là-dessus. Et quand elle me parlait de quatre voix, moi j'entendais une musique. Je n'entendais pas quatre voix. Alors elle me disait, mais si, vous entendez bien, il y a quatre voix. Je dis, non, j'entends qu'une voix. Moi j'entends une musique, quoi, c'est tout. Je ne comprenais pas de quoi elle parlait. J'étais un idiot total sur le sujet. Donc ça m'enfonçait encore plus, hein, toutes les valeurs du bon fin, la musique. Oh là là, quelle catastrophe. Plus tard, elle m'a dit par exemple, vous avec votre voix, vous êtes alto. J'ai dit, non, moi, je suis Iji. Il dit, non, vous êtes Alto. J'ai dit, écoutez, je suis désolé, je sais qui je suis Iji, je parle Alto. Je n'avais aucune idée de quoi elle était en train de me parler. Alto ne voulait rien dire pour moi. Mais rien dire du tout. Donc, je croyais qu'elle me donnait un nom. Donc là, la femme m'a regardé, elle me dit, mais qu'est-ce que c'est que ce débile? Je n'avais aucune idée de quoi il parlait. Par contre, le corps, lui, n'avait aucune importance. Donc le fait que je sois expert d'arts martiaux, de danse, de yoga, de tai chi, de Shaolin, aucune importance. C'était vraiment un détail. Et quand j'ai étudié la gymnastique, j'ai tout de suite vu, j'ai tout de suite eu le regard professionnel. Et j'ai dit, mais attendez, même le maître Omram qui a 83 ou 84 ans, je ne me souviens plus, il ne fait pas la gymnastique comme vous, il fait ça, il fait ça. Les gens, ils bougeaient à peine les jambes. Par exemple, il y a un mouvement de gymnastique où on balance les jambes dans certaines positions et il faisait un tout petit mouvement. Alors, on me disait, bah oui, mais bah, c'est normal, c'est le maître Omram, il fait comme ça. Mais le maître Omram, il a 84 ans. Toi, tu as 20 ans ou tu as 18 ans, tu rigoles. Ah non, mais il ne faut pas faire plus que le maître Omram, je vais vous plaisanter. Ah, tu veux faire plus que le maître Omram, c'est orgueilleux, c'est prétentieux. Vous êtes complètement abruti. Non, je n'ai pas dit ça, mais c'est ce que je pensais très fort. Peut-être que ça se voyait dans mon sourcil en accent circonflexe. Et au bout de peu de temps, avec ma compagne, on a commencé à danser la panorythmie. On est rentré dans la panorythmie, et puis avant même de l'apprendre, en fait, on a copié. On s'est dit, bon voilà, on rentre. Et on copie. Et on a copié. Et les gens, après, sont venus nous trouver. Oh, quand vous dansez, c'est merveilleux, c'est fantastique. Alors, je me disais, c'est marrant. C'est les mêmes personnes qui, il y a deux semaines, me disaient que le corps n'avait aucune... Ou une semaine, me disaient que le corps n'avait aucune importance. Mais maintenant qu'on fait leur truc, bien la panorythmie, oh, c'est fantastique ce qu'on fait. Ma compagne était aussi pratiquante d'arts martiaux avec moi. Je lui enseignais. Donc forcément, physiquement, elle assurait aussi. Quoi. Donc on faisait attention. Et c'est la première fois qu'on a copié. Et plus tard, on a été dans les cours. Alors, ils ont dit, mais pourquoi vous venez dans les cours? Vous savez danser? Je dis, ah non, non, on a juste suivi l'autre fois. Je dis, quoi? Mais ça se fait pas. On ne fait pas ça. C'est interdit, c'est mal. Et ça y est, c'est reparti. Plus tard, j'ai aussi étudié en Bulgarie. Et là, j'ai appris, c'est le contraire. En Bulgarie, c'est la première chose avec la panorythmie. On rentre et on danse. C'est tout. Après, on peut suivre des cours pour mieux posséder tel ou tel mouvement. Mais c'est absolument le bienvenu de faire une espèce d'improvisation. On rentre et on copie, on se débrouille. On essaye de suivre. Donc encore une fois, un protocole très figé qui est le contraire de l'origine de la panorythmie. La panorythmie, elle a été créée par le maître Peter Donov. Elle a été rapportée en France par le maître Omram Mikhaïla Ivanov, qui lui-même l'a montré un tout petit peu. Et ensuite, l'a laissé à des élèves et n'a plus jamais montré la panorythmie. Donc, la panorythmie a été montrée quelques années par le maître Omram Mikhaïla Ivanov au premier disciple. Et après, c'est les disciples qui enseignaient. Donc, on était très loin de l'origine. Et la pratique elle-même était vraiment, vraiment médiocre. Mais vraiment, vraiment médiocre. Chaque mouvement veut dire quelque chose. Et les bras partaient en haut, en bas, dans le sens contraire de ce qui devait être exprimé par le corps. Depuis lors, je suis devenu un prof de panorythmie, donc je sais de quoi je parle. Chaque mouvement a un sens particulier, et tel qu'il le pratique, c'est très souvent, ils expriment même l'opposé de ce qui était donné et enseigné à travers les mouvements de la panorythmie. Donc c'était encore une fois très très regrettable. Et puis, on a vu beaucoup de gens très fanatiques, avec des protocoles très figés, avec... on a vu des... Moi, j'ai vu, je me souviens, des femmes topless, donc sans le maillot de bain, cachées dans leur tente, avec un espèce de... Enfin, il y avait un petit trou dans le paravent, vous savez, ce qui est devant la tente, je ne sais plus comment on appelle ça, le auvent, je ne sais plus le nom précis en français. Et il y avait un endroit qui était un peu ouvert, et j'ai vu une fille qui était sur une espèce de chaise longue, en topless, et qui prenait le soleil dans sa tente, cachée, enfin, dans le auvent, cachée. C'est lamentable, quoi. C'est lamentable. Ils ne montraient même pas les épaules, ils étaient dans une politique de rejet total du corps. Le corps est sale, le corps est honteux, le sexe est sale, le sexe est honteux. Et là, ce n'était pas que les disciples, mais aussi le maître Omram. Le maître Omram, quand il parlait du sexe, il était franchement dégoûté. Ils disaient, vous rendez compte, vous vous sucez, vous vous léchez, vous faites ça, c'est horrible. La sexualité est horrible. Et c'est la première chose où, en écoutant Maître Ang, j'ai dit, là, t'es pas clair, bonhomme. T'es pas clair. Parce que je connaissais d'autres maîtres dans d'autres écoles, et entre autres Rudolf Steiner, par exemple, en Allemagne, mais aussi des maîtres Shaolin et ainsi de suite. Et il y en avait beaucoup. Ils disaient, bah, voilà, le sexe, c'est un passage dangereux, donc on peut l'utiliser ou pas. Mais le sexe, c'est quelque chose de très fort, de très bon, de très puissant. Le corps, c'est aussi un cadeau divin. Comment pourrait-il être mal? Comment Dieu aurait-il, l'énergie cosmique aurait-il pu nous donner le désir et le fait que c'est mal de désirer? Enfin, c'est n'importe quoi, quoi. Et là, le maître Amram était complètement, complètement dans ce trip-là. Et quand j'ai vu ça, je ne pouvais pas juger. Il était clairement très avancé. J'ai écouté ces choses-là et j'ai dit, c'est bizarre, c'est bizarre. Ça ne me plaît pas beaucoup, ça. Mais bon, je n'ai pas non plus jugé. Bon, d'abord parce que j'étais avec ma copine et que je ne vais pas arrêter de faire l'amour avec ma copine. Hein, parce que le maître Amram a dit que, surtout avec tous les speeches sur la liberté et sur le bon sens juste avant. Ceci étant, dans ce premier mois, j'ai appris, oh attention, le sexe est interdit aux bons fins. J'ai dit, qu'est-ce que vous dire, le sexe est interdit aux bons fins? Et on fait pas de partout, c'est ça? Il dit, non, il n'y a pas de relation sexuelle aux bons fins. J'ai dit, quoi? Je comprends pas là, qu'est-ce que vous voulez dire? Et donc, même avec ma copine, alors qu'on a un bébé, où il ne fallait pas avoir de relations sexuelles aux bons fins parce que c'était une terre trop pure. Et là, j'ai trouvé un truc schizophrène, vraiment. Vraiment schizophrène. Et cette fois-ci, c'était la seule chose qui n'était pas le fanatisme des disciples, mais bien aussi le speech d'Omram. Pas de sexe aux bons fins. Et nous, en tant que couple, bah, je suis désolé, on jouait à touche-pipi de temps en temps, et on était obligé de se cacher, parce que la tente était trop petite. Donc, des fois, on se retrouvait dans les douches, ou des fois, on sortait du bon fin, et on allait dans les bois, et ainsi de suite, parce que, bon... Et quand on sortait du bon fin, on nous demandait toujours, qu'est-ce que vous allez faire dehors? Je dis, mais attendez, c'est une secte ou quoi, là, votre truc? Je fais ce que je veux, je vais me promener dans les bois, on va courir un petit peu, on va s'amuser, on visite un peu, où est le problème? Ah non, parce que l'énergie du bon fin est très spéciale, et si vous sortez du bon fin, votre énergie retombe, ça ne vous aide pas à progresser. Oula. Moi, j'ai accroché avec le maître Amram pour des speeches de liberté, d'engagement, d'intelligence et de liberté. Oui, d'accord, oui, des frères, il faut, ils parlent de ça, mais bon, le bon fin, là, c'est un travail très spécial. Oui, bah, c'est bon, on va quand même faire un tour. Effectivement, on allait courir, on faisait des crosses, on allait s'entraîner dans les arts martiaux, ce qu'on pouvait certainement pas faire dans le bon fin, parce que là, c'était carrément de la magie noire. Et puis, on avait aussi la séance de relaxation, après, dans les bois, quand on était dans un coin tranquille, et pouf, on jouait un petit peu à touche-pipi. Donc finalement, on a respecté, pas au bon fin, mais c'est simplement ce qu'on avait, c'est pas qu'on voulait, c'est qu'on n'avait pas les moyens d'avoir des relations sexuelles à peu près normales dans le bon fin. Parce qu'à la douche, alors, on n'en parle pas. Voilà, le seul truc qu'on a trouvé, c'est hors du bon fin. Parce que chaque centimètre du bon fin est largement utilisé. Et au bout d'un mois, nous sommes repartis. Et je dirais que à la fin, j'ai croisé aussi le maître Amram. On a parlé un tout petit peu. Et je lui ai dit que maintenant, je devais vraiment repartir. Donc, je voulais le remercier pour sa longue invitation. Et je lui ai dit que je devais repartir. Et il m'a dit, ah oui, mais nous nous retrouverons plus tard. Nous n'avons pas fini de travailler ensemble. Alors, je lui ai dit, oui, mais bien sûr, j'essaierai de revenir. Enfin, bon, je lui ai dit, il y a des choses qui ne me plaisent pas du tout, qui sont fanatiques et stupides. Et je n'aime ni le fanatisme, ni la stupidité. J'essaierai de revenir. Absolument. Et puis voilà, il m'a dit, oui, on retravaillera ensemble. Ne vous inquiétez pas, on retravaillera ensemble. Lui était beaucoup plus certain que moi. Et puis nous sommes partis. Et c'est lorsque nous sommes partis, que j'étais à la gare. À la gare, je peux vous donner deux exemples qui étaient intéressants. Le premier exemple, c'est que quand j'ai été prendre les tickets, je faisais la queue, il y a un monsieur qui fumait derrière moi, qui me balançait la fumée sur moi, un autre qui a essayé de doubler, Et je lui ai dit, non, tu permets, pépère, j'étais là avant, donc t'attends maintenant. Et à ce moment-là, en faisant la queue dans la gare de Saint-Raph, ou de Fréjus, j'ai oublié dans quel car on a pris. Saint-Raph et Fréjus, il y a deux gares et c'est presque une ville, c'est deux villes qui sont mélangées, quoi. Et je me disais, où je suis là? Je suis en enfer. C'est-à-dire que il y a plein de trucs qui me gonflaient au bon fin parce que c'était vraiment trop figé, trop. Mais finalement, une fois qu'on est à la gare, qu'on revient vers le monde normal, on s'aperçoit que le monde normal est ultra violent, ultra désharmonieux, et que finalement le bon fin c'était pas si mal. Mais comme je le découvrais pour la première fois pendant un mois, eh bien, j'ai apprécié et désapprécié en même temps, hein, par la découverte et par toujours mon besoin de liberté et de refuser l'autorité. Et plus tard, donc, quand on avait les tickets, j'ai vu qu'il nous restait un quart d'heure, donc j'ai sprinté jusqu'à la mer, je ne savais même pas où elle était, mais je voulais toucher la mer, comme j'avais dit avant, j'ai trouvé la. C'est pour ça que je pense que c'était la gare de Fréjus, parce que la gare de Fréjus, c'était pas loin de la mer. Oh, Saint-Raphaël aussi. Donc ça pouvait être une des deux, je me souviens plus, c'est pas grave. J'ai sprinté, je suis arrivé sur la plage, j'ai touché la mer, j'avais l'odeur de la mer sur la main. Ouf, c'était super cool parce que c'est vrai que pendant un mois, on n'a jamais été à la mer. Quand vous êtes au bon fin, c'est vrai qu'on ne sort pas beaucoup, hein. Les activités du soir et le Club Med, il faut oublier, hein. Là-bas, c'est pas du tout ça. Je précise une dernière chose intéressante dans les phénomènes, c'est que pendant environ 20 jours, au bout de quelques jours au bon fin, il y avait quelque chose qui me dérangeait sur moi, comme quelque chose qui me brûlait. Donc là, on peut vraiment parler d'un nettoyage. Et pendant 20 jours, une vingtaine de jours, je ne supportais pas. C'est comme si ma peau, j'avais envie de la déchirer, de l'arracher. Et je prenais 10, 15 douches par jour. Donc je me disais, bon, il fait peut-être très chaud, je transpire beaucoup. Et en même temps, c'est quand même bizarre. Et puis au bout d'une vingtaine de jours, bah, c'est totalement passé. C'est comme si j'avais besoin de nettoyer certaines choses parce qu'il est vrai que sans être fanatique, au bon fin, il y a une vibration particulière beaucoup plus élevée qui n'existe dans le reste du monde. Et je reviendrai sur ça aussi plus tard parce qu'il y a des aspects tout à fait fabuleux, fantastiques et des aspects stupides et sectaires. Mais en même temps, je ne veux ni alimenter les trucs anti-sectes, ni alimenter les fanatiques. Il y a quand même des aspects qui sont indiscutables, et là j'ai pu voir pendant très longtemps. Je me souviens qu'à un moment, le maître moine faisait une conférence, et c'était pas toujours facile avec un bébé de 6 mois. Donc à un moment, on avait la poussette, et on se promenait autour de la salle pour écouter la conférence tout en promenant notre bébé. Hein, le fait qu'on avance, comme ça le relaxait. Et comme ça, on pouvait écouter tous les deux également, c'est-à-dire ma femme et moi, ma compagne et moi. Et puis, en même temps, notre bébé ne souffrait pas, quoi. Il était. Et là, il y a une femme qui sort d'un petit truc à côté où ils vendent les livres, les cristaux et ainsi de suite, et qui me dit, votre poussette grince, ça dérange. Et je me souviens qu'à ce moment-là, le maître Moham faisait une conférence sur la guerre, sur l'apocalypse qui risquait de venir, sur toutes ces choses-là. Je dis, ben, je fais ça exprès, habituez-vous juste au grincement, parce que bientôt, ce sera les bombes. Hein. Donc, essayez de dépasser déjà les grincements de poussette, et puis après, on verra si vous êtes capable de faire face aux bombes. Alors la dame m'a regardé, puis elle est repartie, d'une espèce de débile. Voilà, j'étais toujours. Et à cause de ça, à cause de ces perpétuels conflits, de cette autorité, finalement, on n'a rien organisé pour revenir. Même si quelquefois j'ai passé des soirées avec Yannick Perchéancier et Omram, d'une façon presque plus familiale, où il n'y avait pas de grandes conversations. Hein. Maître Omram, il adorait, par exemple, j'étais une fois invité, on regardait un film de John Wayne, et après Yannick me disait, ah, le maître Omram, il adore John Wayne. C'est un acteur qu'il aime beaucoup. C'est un héros qui gagne toujours, c'est toujours un gentil. Lui, John Wayne, il adore ça. Et c'est marrant parce que quand plus tard j'en ai parlé à d'autres personnes, ils m'ont dit non, jamais, Maître Omram, il est contre la violence, jamais il regarderait ça. Je dis mais c'est même pire parce que moi, une fois, j'étais invité à regarder du catch. Et il était mort de rire devant le catch à la télé. mais mort de rire, quoi. Il adorait ça, il trouvait ça hyper drôle. Et j'en ai dit, mais certainement pas. J'ai dit, mais si, si, je suis désolé, j'y étais, j'ai vu. Et j'en ai parlé à Yannick après, qui m'a dit, mais oui, il regarde très souvent le catch, et John Wayne, il adore. Voilà, ça, c'est les choses qu'il regarde. Regardez d'autres choses, on parlera plus tard. Et ça, c'est encore une fois, si aujourd'hui, dans mon speech, il y a des gens qui entendent ça, qui sont du bon fin, ils diront non, jamais. Eh bien, c'est pourtant la vérité. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites où les gens ont fanatisé quelque chose et ils ont dressé un scénario dans l'image de Maître Amram qui est très loin de la réalité et très proche de leurs fantasmes, de leurs délires et de leurs croyances. Par exemple, le Maître Amram, ça je ne l'ai pas vu, on me l'a raconté plus tard, parce que je suis devenu très ami plus tard avec des gens qui ont vécu vraiment très très proche de Maître Amram aussi. Quand les filles cueillaient des fruits, il arrivait avec le tuyau, il arrosait tout le monde. Et il rigolait, il aimait beaucoup ça. Il trouvait ça très drôle de mouiller toutes les filles. Et puis il disait aussi, ah, vous êtes tellement belles et tout, il faut profiter de la vie, il faut jouer. Donc des fois, il se comportait comme un enfant, comme ça. Et avec la chaleur qu'il faisait, finalement, c'était le bienvenu. Même froid, c'était le bienvenu. Il mettait souvent des musiques tyroliennes dans le Bofin. Il avait un tourne-disque qui était branché sur les haut-parleurs. Et même quand il mettait les disques, ça j'ai entendu, des fois c'était « chii » qu'il ne mettait pas délicatement. Donc ce n'était pas l'être de pure subtilité qu'il racontait. Et les musiques tyroliennes, il adorait ça. Il disait « c'est plein de joie, c'est plein de force, ça donne envie de danser ». Donc moi j'ai connu un être qui effectivement faisait des vrais tours de magie d'énergie, absolument. On reviendra sur d'autres choses que j'ai vues. Mais en même temps, il y avait aussi un maître Amram plein de vie, plein de joie, qui aimait bien John Wayne, qui aimait bien le catch, qui aimait bien jouer, qui aimait bien chahuter, qui adorait les animaux, et qui adorait se moquer des gens. Il se moquait très souvent des gens, de plein de gens, même des fois d'une façon assez risquée, auprès d'autorités ou d'autres fois auprès de ses disciples. C'était un monsieur qui aimait beaucoup, beaucoup se moquer, qui adorait les musiques drôles, les histoires drôles, à tel point qu'il avait un disciple qui adorait les histoires drôles et qui en racontait à Maître Amram de temps en temps. Et à un moment, le Maître Amram lui a dit, bah, « Vous, je vous désigne comme le responsable des histoires drôles. » Et après, le monsieur, il passait son temps à lire, à chercher des histoires drôles qu'il racontait au Maître Amram. Et puis au bout d'un moment, le Maître Amram dit, « Ah, celle-là, elle est bien. » Et il y avait des histoires qui faisaient partie de sa panoplie d'histoires qu'il racontait dans les conférences. Parce que Maître Amram adorait raconter certaines plaisanteries. Surtout quand elles étaient fines. Et je finirai ce chapitre avec son histoire préférée, qui est l'histoire du chameau. Donc ce sera la conclusion de ce chapitre. C'est un monsieur qui a un accrochage avec une dame et qui la traite de chameau. Alors, la dame porte plainte et après le monsieur est en jugement et il doit payer une amende. Parce qu'il a traité la dame de chameau. Alors il est devant le monsieur le juge et il dit, c'est entendu monsieur le juge, j'ai eu tort, vraiment j'ai eu tort. On ne doit pas traiter une dame de chameau, vous avez parfaitement raison. Et le juge là, il est content parce que le monsieur a compris sa leçon. Mais dites-moi monsieur le juge, est-ce que je peux dire madame à un chameau? Alors le juge est un peu surpris, il dit, bah, oui, si vous voulez dire madame à un chameau, je vois pas où est le problème, si vous voulez... Faites-le si vous voulez. Ah, merci, merci, monsieur le juge. Puis il se tourne vers la dame qui était là, hein, pour le jugement, qui était très heureuse. Il dit, merci, monsieur le juge. Au revoir, monsieur le juge. Il se tourne vers la dame. Au revoir, madame. Il part. Et Maître Amram, il était mort de rire dans cette histoire-là. Il adorait ça. C'était subtil, intelligent. Et il en avait plein d'histoires comme ça, qu'il répétait régulièrement. Et aujourd'hui, il y a certaines histoires qui sont sur Internet. Certaines conférences, pardon, qui sont sur Internet. Et je trouve ça scandaleux parce que les disciples, qui savent mieux que le Maître Amram ce qu'il y a à dire, ils choisissent des passages. Et vous avez des conférences de 5 minutes, de 10 minutes. Or, une conférence de Maître Amram, c'était 1 heure, 2 heures, 3 heures. Parce que des fois, c'était 40 minutes les plus courtes, mais les plus longues, ça pouvait être 3 heures. Hein. Et tant qu'il parlait, bah, on écoutait, voilà. Et maintenant, les conférences qu'il y a sur Internet, c'est 5 minutes, 4 minutes, 3 minutes, 10 minutes. Donc ça veut dire qu'il y a des autorités que je connais très bien, je sais même où ils font ça, je sais où ils stockent toutes les cassettes, enfin tout ce qu'ils avaient. Parce que j'ai travaillé plus tard, j'ai travaillé à Prosveta, qui est le truc qui publie tout ça, qui publie les livres, etc. Et ils se placent au-dessus de l'autorité de moi, mais ils disent, ouais, ça, il en a parlé, mais il faut pas en parler, ça, il a dit ça, mais il faut pas dire ça. Donc ils suppriment, ils censurent énormément, comme les autorités, les premières autorités catholiques qui ont censuré les enseignements de Jésus, de l'Ancien Testament, etc., que Maître Omram critiquait perpétuellement, dont il parlait souvent de ça, et ben maintenant ils font la même chose. Les autorités des disciples savent ce que le Maître Omram a dit de bien ou ce qu'il a dit de mal, et ce qu'il a dit de mal d'après eux, ils le censurent et le présenteront jamais au public. Et même les conférences qui sont présentées au bon fin sont aussi des conférences censurées. Il y a des passages qu'ils censurent, ils travaillent sans arrêt là-dessus, et la même copine dont je parle, plus tard, on est revenu au bon fin, après la mort de Maître Omram, elle a travaillé pendant un an à Prosveta. Et elle n'a pas pris part, mais elle a vu au travail de censure qu'il faisait, où il sélectionnait les trucs, ils enlevaient tel passage, elle a vu les milliers de cassettes qu'ils avaient, ce qui est logique, parce que le Maître Omram, il a parlé pendant environ 40 ans de sa vie, 45 ans, donc multiplié par 1 heure ou 3 heures par jour, vous pouvez imaginer la quantité colossale qu'il y a. Et certains étaient juste enregistrés, ensuite filmés avec le temps, hein, quand les caméras sont arrivées, etc. etc. Et c'est eux qui décident ce qui doit être entendu ou pas. Donc ils se placent au-dessus de l'intelligence du Maître Omram. Et déjà en ce temps-là, j'ai vu bien des choses qui allaient contre l'autorité du Maître Omram. Et quand le Maître Omram criait, qu'il se fâchait, alors là, il s'écrasait. Mais déjà, il fallait qu'il fasse preuve d'autorité pour que certaines de ces choses qu'il avait présentées soient faites correctement. Soient faites correctement. Donc, voilà. Et c'est à cause de cet ensemble merveilleux et fantastique que Maître Omram est resté une référence absolue. J'ai eu des contacts avec lui aussi, même par téléphone, où je posais des questions, où j'essayais de comprendre certaines choses. J'essayais d'aider des élèves à moi, dans les arts martiaux, dans le yoga, qui me posaient des questions auxquelles je n'étais pas capable de répondre. Je posais la question au Maître Omram. Mais je ne suis jamais retourné au bon fin. Petit à petit, j'ai perdu le contact parce que c'était une structure qui allait contre ce que j'avais lu. Ça veut dire que avec le maître Omram, j'ai vraiment rencontré un maître de lumière, mais la structure qui était autour de lui était étouffante, orgueilleuse, prétentieuse. Et finalement aussi, il faut bien reconnaître, fort peu de temps après, il est tombé très malade, le maître Omram est tombé très malade et il est décédé, je crois, en Noël 86, si je ne m'abuse. Donc, on n'a pas vraiment eu le temps de se retourner et un jour, on a appris qu'il était décédé. On n'avait pas eu de contact depuis longtemps, parce que je ne l'appelais pas non plus tous les jours. Et puis, voilà, après, c'était terminé. Et là, j'ai eu vraiment la sensation j'avais raté quelque chose. Je n'avais eu que peu de temps devant moi. Et depuis lors, je lisais énormément. Je lisais tous ces livres, les petits, les grands. Voilà, j'étais arrivé à peu près au maximum de ce qu'on pouvait avoir, de ce que je pouvais lire. C'est à peu près dans cette situation où j'étais en 1988, c'est-à-dire 2 ans après le décès de Maître Amram et environ 3 ans après notre séparation complète, dans le sens où après, non pas qu'on était fâchés, mais il était moins disponible et ça s'organisait moins. Et donc ça faisait à peu près 3 ans sans contact, mais 3 ans de lecture, d'études où j'ai toujours gardé le titre Maître Amram. Tout le monde disait le Maître Ivanov. Moi, je ne connais pas le Maître Ivanov, je connais le Maître Omram. Omram, c'est le titre qui lui a été donné par un grand maître hindou lorsqu'il est parti en Inde. Et Omram, ça veut dire quelque chose de particulier. Ivanov, c'est son nom de famille, ça ne veut rien dire. Par contre, Omram, c'est son nom qui veut dire un titre, un programme, une forme d'énergie. Si on parle à l'énergie, on parle de Omram. Si on parle de la personne physique avec son passeport, on parle de Ivanov. Ivanov, je connais très peu. Maître Omram, nous sommes très proches, très très proches. Donc c'est du maître Omram dont je parle. Jamais du maître Ivanov.